L'exploration neutre de sa conscience astrale, c'est le titre de l'enregistrement présent. Il se rapporte à une entrevue que m'avait accordée Marc de la Salle le 1er février de l'année 2018. En relation avec cet enregistrement, vous pouvez retrouver en bas de cette vidéo un lien web par rapport auquel vous pouvez avoir accès à un texte qu'a rédigé Marc de la Salle, donc qui est en lien avec le sujet de cette capsule audio. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, bienvenue maintenant à l'enregistrement qui est l'étude thématique numéro 5 qui va porter sur l'exploration neutre de sa conscience astrale. En relation, bien sûr, avec le texte qu'a rédigé à cet effet Marc de la Salle, avec lequel je suis présentement en compagnie. Alors, bonjour Marc. Bonjour David. Donc, c'est David Lévesque au micro, et ça me fait plaisir à présent de te parler, Marc, pour aborder ce sujet, donc l'exploration neutre de sa conscience astrale. Et pour commencer l'exploration, comment pourrais-tu définir une neutralité dans l'exploration de sa conscience? Neutralité. C'est d'être capable d'aller au-delà de la forme. C'est d'être capable de pas s'associer à une étude. Parce que c'est impersonnel, une étude. Si tu prends ça le moindrement personnel, ce que tu étudies, c'est que il y a pas assez de neutralité dans ton mental, dans ta conscience, pour en faire l'étude. Ça veut dire que t'es pas encore arrivé à une certaine maturité psychique pour étudier quelque chose sans en payer un prix, à quelque niveau que ce soit. Parce que si tu vas dans l'étude de n'importe quoi, t'es obligé de regarder la noirceur de plein droit et de plein fouet pour déterminer exactement qu'est-ce que représente une conscience astrale, puis qu'est-ce que nous a amené à vivre dans cette conscience astrale-là de la domination et de la manipulation. OK. Et par rapport à l'étude, c'est sûr que j'ai fait l'étude de ton texte qui s'y rapporte. Mm-hmm. Et ça m'a amené à écrire quelques questions en relation avec ce dernier que j'ai à présent envie de te poser. D'accord, vas-y. Donc, tout d'abord, dans le texte, il est question que le double va se servir d'entité astrale pour ajuster l'homme et le faire évoluer dans son égo. Et c'est un sujet que j'aimerais que tu développes. Oui, parce que imaginez si simplement le double faisait évoluer une âme, alors qu'il sait très bien qu'une âme, c'est un corps astral, puis il l'aveuglerait probablement dès le départ avec trop. Il voudrait le faire évoluer beaucoup trop vite selon son point de vue à lui en relation avec ce que l'ego peut canaliser ou capter comme vibration. Donc, il est obligé d'utiliser le monde de la mort, le monde astral, pour passer ses messages ou passer ses vibrations vers la souffrance que l'ego va vivre pour qu'ensuite il soit plus neutre pour écouter ce que le double va dire. Donc, au départ, ils vont utiliser ce que j'ai nommé une entité maîtresse. Donc, il y a toute conscience, quelle qu'elle soit, au minimum une entité qui lui colle au derrière, puis il y en a que c'est plus qu'une. Mais il y a une entité maîtresse qui est là pour s'assurer que le travail d'ajustement de l'ego se fasse en lien avec la programmation astrale qui a été déterminée pour faire évoluer l'ego à l'intérieur d'une conscience involutive qui doit un jour être pénétrée par de la conscience évolutive. C'est là que le double agit. Donc, la personne qui prend conscience qu'elle a un double cosmique ne veut pas nécessairement dire que dans l'évolution est déjà, par contre, formatée pour connaître l'évolution, parce que si elle prend contact avec la réalité qu'il existe un être de lumière qui s'assure qu'elle évolue, qu'elle vive des expériences Y, X ou telles pour assurer à cet égo-là de souffrir d'une certaine manière, en lien avec une sensibilité qui se développe toujours, parce que la sensibilité est déjà là au départ, dans l'ego. Mais, tu sais, ce qui se passe, c'est que la souffrance va exacerber cette sensibilité-là, puis elle peut amener la personne à être hyper sensible ou extrasensible, puis c'est ça qu'il doit être ajusté à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de neutralité dans l'hypersensibilité. Donc, avec le temps, la personne se délusionne de ce qu'elle pensait être, puis en lien avec sa vie astrale ou sa vie, sa conscience astrale, sa programmation astrale, elle commence à comprendre pourquoi dans sa vie de tous les jours, depuis qu'elle est jeune, elle a décidé de prendre tel chemin, puis pourquoi que toutes les 5-10 ans, il y a toujours les mêmes formes d'expérimentation qui reviennent, soit qu'elle ne peut pas les dépasser ou soit qu'elle pense personnellement que ça lui appartient totalement, alors qu'en fait, c'est simplement une opposition qu'on lui crée pour qu'un jour, elle fasse sauter toute spiritualité qu'elle a en elle. Parce que la spiritualité, là, c'est aussi synonyme de coucher avec les morts et d'écouter ce qu'ils disent. Oui, dans le sens, la spiritualité, c'est l'amour pour le monde de la mort, la fascination pour les êtres décédés et aussi les médiums là, qui vont canaliser là, des êtres décédés, là. Ouais, on parle des anges, on parle de tous les guides spirituels, puis on lui donne toute une autorité sur notre conscience. Puis ça, ça fait partie nécessairement de sa conscience astrale, de découvrir qu'un jour, les hauts plans spirituels du monde de la mort, puis tout ce qui est lié à la spiritualité de la vie, c'est en fin de compte une seule et unique vibration. C'est ce qu'on appelle la manipulation de l'homme par les plans invisibles. Exactement. Je voudrais qu'on en revienne un petit peu sur la notion d'entité maîtresse. Oui, elle a une vibration particulière en lien avec ce que j'appelle, moi, les failles majeures ou la faille majeure ou absolue que l'ego doit dépasser dans une vie. Puis dans le texte que je parle, c'est par exemple, il y a une personne peut être prisonnier de la gêne ou de la timidité toute sa vie. Il y en a d'autres qui peuvent être prisonnières de la jalousie. Il y en a d'autres qui... Ça, c'est un peu plus difficile parce que la jalousie, ça heurte énormément de personnes autour de soi, alors que quand tu es dans la gêne, c'est plutôt toi qui en souffres. Mais le principe demeure le même, c'est que une personne peut être astralisée d'une certaine manière, puis une personne qui n'a pas la capacité, supposons, de parler à son boss, puis de se faire respecter devant un boss au travail, elle va tout simplement s'éteindre à un moment donné, puis elle va souffrir énormément. Mais ça, c'est voulu que par le fait que le double laisse une entité maîtresse toujours lui saper son énergie en la coupant dans sa parole ou quoi que ce soit, parce que le double, lui, il s'éloigne. Quand une personne vit une expérience là, au niveau de l'âme pour qu'elle dépasse des formes, ça ne veut pas dire qu'elle a dépassé, ça prend X nombre d'expériences avant qu'une personne soit assez mature pour comprendre que tout ce qu'elle vit, c'est tout orchestré par l'évolution des plans de la lumière sur sa conscience pour qu'elle dépasse sa condition matérielle en lien avec ce qu'on appelle un ego planétaire. Si son ego est suffisant dans sa contestation de ce qu'elle vit, c'est sûr qu'elle va se retourner contre le double de cosmique, puis elle va dire, mon sacrament, toi, t'es mieux de me parler comme du monde. Puis là, elle brûle toute la spiritualité en voulant lui parler comme ça, parce que... Ben, c'est sûr que si tu t'opposes pas à eux autres, tu peux pas arracher ton identité. Ouais, puis l'opposition, là, on peut bien le parler, mais quand je dis à une personne, savez-vous, monsieur ou madame, que vous êtes contrôlé par une entité maîtresse pour vous faire parler d'une telle façon, elle va dire, c'est quoi une entité maîtresse, comme tu poses la question? Puis là, j'explique que le double de lumière a mis un contact, par exemple, là, Internet avec ta conscience, avec une entité dans le monde de la mort, qui, lui, il va se nourrir de ton énergie pendant presque toute ta vie, jusqu'à temps que tu dénonces complètement ce lien-là. Puis assure-toi, là, si nous autres, on a décidé que dans ta programmation astrale ou dans ta conscience astrale, tu avais la faille majeure d'avoir la timidité ou de ne pas être capable de parler ou encore de te faire dominer par un homme, ben on va te mettre une entité qui va te garder prisonnier d'un couple parce que tu vas avoir des valeurs spirituelles qui vont t'amener à dire oui, mais je l'aime. Fait que tu verras jamais finalement que le visage de l'amour, c'est pas la domination, mais que le visage de l'amour, c'est plutôt que toi de te débarrasser de tes craintes pour confronter la lumière, puis confronter toute l'astral qui t'amène à toujours penser que tu as un problème. Tu t'imagines-tu ça, ce que c'est la lumière que tu as orchestré ça, puis qu'elle laisse ça faire pendant des millénaires pour que toi t'évolues? Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que quand on entend ça, c'est révoltant. Mais le point que je veux t'amener, c'est que beaucoup de gens qui notamment sont timides, parce que c'est un sujet qui est abordé abondamment dans le texte en lien avec cette étude, qui vont souffrir et n'étant pas conscients qu'ils peuvent retourner leur colère et leur souffrance contre les plans de la lumière, ils la retournent contre eux et ces gens-là sombrent dans la dépression ou vont vivre le suicide ou commettre des actes terroristes. Et tu mets le mot sur la dynamique, David, parce que ils retournent, comme tu dis, cette colère-là contre eux. C'est ça, Sais-tu pas? puis ils explosent, ils s'autodétruisent. Le problème, c'est qu'ils sont pas conscients que la lumière tire les ficelles, même de l'existence de la lumière. Fait que Chris. Ben, s'ils écoutent cet enregistrement-là, ce soir, ils en prennent conscience. Ça veut dire que dès que l'homme, c'est sûr, David, que dès que l'homme ne sait pas quelque chose, il ne s'en plaindra pas. Il ne sait pas. Mais le jour que tu sais, ça change tout. Parce que le jour que tu constates que la lumière utilise abondamment des entités du monde de la mort pour se servir contre ton gré de leur énergie pour qu'ils se rapprochent de toi, que toi tu évolues, imagine, à un moment donné, tu en as plein le cul de ce scénario-là. C'est là que tu te rebelles, mais tu te fragmentes d'abord dans ta conscience astrale pour simplement dire, oh, OK, je comprends comment fonctionne l'astral sur ma conscience. Fait que là, tu vois toutes les bifurcations qui sont utilisées sur ta conscience astrale pour t'amener à être manipulé. Et c'est contre ça que tu te révoltes. C'est pas contre les plans de la lumière directement, c'est contre la manipulation qu'eux autres ont orchestrée pour l'évolution de l'homme. Pour se sortir de cette domination vécue par l'entité maîtresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais faut que tu saches aussi s'il y a d'autres entités qui donnent du support à l'entité maîtresse aussi, là. Des fois, il n'y a pas qu'une entité maîtresse. Ils sont plusieurs au niveau des parasitages, au niveau du parasitage des pensées qui vont rentrer dans ta tête. Il y a toute une orchestration là, qui était rend. Imagine dans une journée, la personne se lève, elle dit ah, ben aujourd'hui, j'espère d'être très, très présent. Puis elle est consciente que à quelque part, elle a la faille, je sais pas moi, de peut-être prendre trop de travail sur son dos. Tu sais, elle veut en faire trop. Puis là, la première chose qu'elle va savoir, il est rendu midi, ah, sa journée va bien, mais tranquillement, il y a une orchestration qui se fait, puis elle ne voit pas venir, puis il est rendu 4 heures. Puis là, elle a pris trop de travail, puis elle va être obligée de travailler encore, faire du temps supplémentaire. Tu sais, toutes les infirmières qui sont dans les hôpitaux qui ont du temps supplémentaire à faire, puis du temps supplémentaire à faire, ils sont toutes victimes un peu de leur générosité. Puis à un moment donné, ils doivent dire, non, non, c'est pas de la générosité, ça, faire du temps supplémentaire, c'est de l'esclavage. Oui, surtout s'ils travaillent 16 heures en ligne. Il n'y a aucune raison que ces femmes-là, parce que c'est généralement beaucoup des femmes qui sont dans ces métiers-là, qui soient victime d'une réalité que ton boss dit non, non, toi tu restes puis tu quittes pas. Si, je pense que je m'en irais pas, moi. Exactement. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de spiritualité des gens, puis ils veulent se donner pour leurs patients, puis être au service du collectif, qui les amène à être aveugles à leurs propres besoins, puis Ben, à vivre des situations de puis un même. moment, oui, mais c'est parce que quelque part, ils sont pas assez conscients qu'il y a une game qui se joue qui est bien plus haute qu'eux autres. C'est sûr que si une infirmière, moi j'en connais des infirmières qui sont dans conscience, qui ont choisi le métier d'infirmière, puis tranquillement, ils font le job, simplement le job, sans donner de spiritualité à la forme de l'hôpital ou du travail dans lequel ils sont, et ils se sentent beaucoup mieux. Mais la faille, OK? Faut pas oublier la faille majeure de ta conscience astrale. Penses-tu qu'elle n'est pas beaucoup en lien avec le travail? Ben, c'est souvent le cas, là. Hey, c'est souvent le cas. Puis après ça, c'est le couple. ou quoi que ce soit, ou c'est la santé. Ou les finances, ouais. C'est ça. Fait que les gens vont donner des valeurs à ce qui, en gros, le détermine leur propre identité. Par exemple, on dit bien que la femme qui travaille dans un hôpital, comme tu as dit, elle veut aider les gens. À un moment donné, elle va se rendre compte que aider, ça n'existe pas. Ça fait que si elle se rend compte que aider, ça n'existe pas, là, elle va dire, ben, comment je peux aller travailler si je peux pas aider? Ben, madame ou monsieur, vous faites simplement ce que vous avez à faire. Ça veut dire quoi, faire ce que vous avez à faire? Vous avez un talent pour écouter les gens. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé d'être infirmière. Continuez d'écouter les gens, mais ne vous faites pas vampiriser. Là, ça veut dire quoi, vampiriser? Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades aussi dans leur tête, puis ils vont automatiquement utiliser votre énergie pour vous prendre toute votre énergie. Si vous ne vous protégez pas d'un système hospitalier, c'est certain que vous allez être vampirisé parce que il y a bien plus d'entités mortes dans un hôpital qu'il y en a de vivantes, des fois. Les gens les voient pas toujours, là, mais moi, je rentre d'un hôpital, là, c'est arrivé là, une dizaine d'années, puis j'allais visiter une maison parce que ma tante voulait que je le visite, puis en rentrant dans la chambre, j'ai dit à l'entité, toi, tu restes tranquille. Puis là, mon oncle, il me compte, il dit, il y avait quelqu'un dans la chambre la nuit passée. J'ai dit, ben oui, Chris, je l'avoue, l'entité. J'ai pas dit ça, mais... Et puis il dit, j'ai été obligé d'appeler l'infirmière, puis ils m'ont donné une dose là, suffisamment forte pour que je puisse dormir. Fait que en rentrant dans la chambre, j'avais vu l'entité qui collait au cul. Fait que si les gens pensent qu'il n'y a pas d'entité, là, fait que, puis que les plans de la lumière permettent ça, là, si les plans de la lumière avaient décidé qu'il n'y en avait pas d'identité astrale, il n'y en avait pas de monde de la mort, ça aurait été fait autrement. Fait que c'est tous eux autres qui ont orchestré toute la patente. Puis pour étudier sa conscience astrale, tu es obligé d'utiliser le double pour qu'il t'informe de la réalité de ces mondes-là, parce que tout seul, tu n'y arriveras pas, tu vas être vampirisé par le monde de l'adversaire qui est très, très puissant. Parce que aussitôt que tu parles au monde de la mort, ils vont utiliser des symboles pour t'impressionner, ils vont vouloir te faire peur. Mais tu parles à de la lumière, il est obligé de te dévoiler ce que tu ne sais pas ou ce que tu veux savoir. Toi, là, si je te pose la question, là, ton père, là, t'as-tu fait souffrir? Oui. Bon, pourquoi... Tu comprends-tu pourquoi que tu avais choisi ce père-là? Ben, c'est sûr que ça m'a amené à m'intérioriser. Ça m'a amené okay. à me... Ouais. Mais lui, il avait une grosse vibration, ton père, hein? Une grosse vibration astrale de domination. D'autorité. Oui. Bon. Fait que si toi, tu avais, mettons, à explorer ton autorité en lien avec ton père, ça peut toujours te bloquer si à un moment donné, tu as un reflet, si l'entité maîtresse te fait miroiter, ah ben là, tu es comme ton père, ah ben là, c'est la même chose que ton père. Tu comprends, là? Ça, faut que ça soit tout exploré au complet avant que tu puisses être dans ta réelle autorité. Est-ce que tu es capable de voir ça? On va y aller tranquillement. C'est-à-dire que si j'ai la peur de devenir comme mon père, quelqu'un de qui écrase les autres, ça peut me bloquer dans mon évolution. Oui, parce que t'as pas de neutralité encore, hein? Donc, ouais. L'exploration d'une personne timide, ça va être par exemple, OK, en salle de classe, elle avait 5 ans, ou à la maison, son père a été trop autoritaire avec elle ou sa mère, puis depuis ce temps-là, elle a de la misère à parler. Ou on lui a pas permis de parler, puis avec le temps, ben elle s'est tue. Elle arrive à l'école, puis encore là, elle est gênée parce que ses parents ont pas développé chez elle sa parole, fait qu'elle se fait manger tout rond en salle de classe. Elle est rendue à 14-15 ans, ben là, elle vit de l'intimidation à l'école parce que les personnes voient très bien sa faille, parce que elle était programmée pour pas être capable de parler. Fait que là, elle arrive dans un milieu de travail, ben ça revient encore. Puis ça arrive en couple aussi, imagine. Exact, puis peut-être quelques années plus tard, si elle ne se conscientise pas, elle va se suicider. Et voilà, l'entité maîtresse va avoir suffisamment d'emprise parce qu'elle n'aura jamais été dénoncée, puis là, il y a d'autres entités qui vont se greffer à sa conscience, puis c'est ces entités-là qui vont l'amener à se suicider. C'est pas l'entité maîtresse. Explique-moi quoi ça, pourquoi c'est pas l'entité maîtresse? Parce que l'entité maîtresse, elle travaille pour le double. Fait que c'est sûr. Non, mais t'es proche. Ah, vas-y. L'entité maîtresse est checkée par le double. Ah, c'est pas pareil, elle est surveillée par le double. Et voilà. Puis si le double a à intervenir, il va intervenir. Il peut intervenir par une tierce personne parce que leur but à la lumière, c'est pas d'amener l'homme à se suicider. T'es d'accord? Exactement. Bon, fait que automatiquement, quand on utilise sa conscience astrale, il faut savoir pourquoi que le double permet des choses. Quand on dit, par exemple, que à une personne, là, félicitations, t'as bien vécu ça, tu t'es fait bien humilier au travail, puis t'avais ça à vivre. Penses-tu que c'est agréable à entendre, mais elle n'a pas le choix de l'avoir vécu comme ça parce que c'est ça qui va la faire bondir d'un cap, qui va y faire à un moment donné sauter sa coche. Ça veut dire que elle va être capable pour dire là, la prochaine fois, faut que je dise okay, à mon patron, j'aime pas ce qu'il me dit. Tu sais, il y a plein de gens qui sont comme ça, hein, David? Oui. Fait que, imagine le mouvement MeToo, là, moi aussi, là, c'est tout ça aussi. Toutes les femmes qui se sont faites bafouer dans leurs droits. Mais imagine l'astral, penses-tu qu'elle a du respect pour l'homme? Zéro. Zéro. La lumière a du respect pour l'homme. Mais la lumière ne peut pas faire évoluer l'homme tant qu'elle l'utilise pas, OK? Elle peut pas utiliser sa propre lumière, elle va brûler l'homme. L'homme Oui, est mais en passé même temps, si la conscient. lumière utilise des forces qui ne sont pas respectables pour l'homme, à quelque part, ça lui porte préjudice. Ouais, donc explique-moi pourquoi qu'ils le font. Il n'y a pas d'autre moyen. Oui, mais quand on en regarde ça, de point de vue justement, dans le feu de l'action, on trouve ça écœurant. Donc, il faut être neutre, hein, tu comprends? Oui. Mais en même temps, c'est un aspect intéressant. C'est-à-dire, l'entité maîtresse, est-ce que ça serait assimilable au double luciférien comme notion? C'est en plein ça. C'est ce que tu peux nommer le double luciférien aussi. Ça veut dire que le double luciférien, il sait très bien qu'il doit laisser des entités du monde de la mort pénétrer l'homme parce que l'homme, ça fait des années qu'il est aveuglé. Fait qu'il a pas conscience de sa propre lumière. S'il prenait conscience, penses-tu que tout le monde là, dans la société, il serait content, là? Oh, je parle à mon double. Hey, ça fait 3 jours, il me parle dans ma tête. Penses-tu qu'il serait content de vivre ça? Ben non. Fait que, en gros, là, il y a très peu de gens qui peuvent parler avec la lumière parce qu'ils ont pas, ils seront pas amenés dans leur conscience astrale à prendre le pire chemin pour s'amener eux-mêmes à évoluer. Puis ça, quand on dit tu prends le pire chemin, là, tu prends le chemin le plus rapide selon l'esprit de combat, l'esprit de colère et l'esprit d'identité qu'il y a dans ta conscience pour abattre le mensonge cosmique. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais prendre le pire chemin, est-ce que c'est possible? Parce que ça Oui. sous-entend que l'humain a un libre arbitre, il peut choisir le chemin. C'est que avant d'être incarné, là, tu OK. fais un contrat avec ta lumière, ton double. Toi, là, je te dis, bon, David, tu t'es incarné, là, puis tu veux savoir à 80% comment ça se passe. Tu t'es incarné, bon, OK. Est-ce que c'est à 80% que tu vas savoir comment ça se passe? Non, je serai pas totalement libre, il va rester des voiles. C'est ça. Fait qu'à quelque part, tu as peut-être décidé à 100% de savoir. Ouais. Fait que si tu as décidé à 100% un jour de savoir, tu vas être confronté au fait qu'un jour, tu vas avoir à traverser le désert. Puis le désert, ce sont les chemins les plus ardus avant d'arriver à la lumière. Il y en a qui prennent des chemins spirituels, puis ils veulent parler avec le double, mais d'une façon spirituelle. Il y en a qui prennent des. Ils disent, moi, là, je veux m'assurer au moins d'avoir ma pension. Parce que si j'ai ma pension, là, je peux étudier ce que c'est de la conscience. Puis être Fait que payé pour ça, c'est ça. Fait avoir que un moi, je veux revenu qui pas. rentre. Je veux pas souffrir du manque d'argent, là, puis tout ça, là. Je veux être conscient, là, mais pas trop, là, quand même, parce que, tu sais. À quelque part, je veux pas trop souffrir, puis je suis correct, je veux en dépasser de la souffrance, mais ça, il n'y a pas un ego qui parle comme ça dans la matière, parce que ça se décide ses plans avant même de qu'est-ce que tu veux dépasser dans ta conscience en lien avec la lumière quand tu vas t'incarner. Mais celui qui décide, là, penses-tu, moi, que j'ai décidé, même que ça fasse 25%, là, je vais être assez, là, à tabarnak. Ouais, mais par rapport à ça, si tu as un contrat avec la lumière avant de t'incarner, comme un contrat par exemple pour une hypothèque, pour une maison, ça peut être renégociable éventuellement. Oui, c'est quand tu sais. La beauté de ça, là, tu t'incarnes parce que tu veux savoir, il n'y a rien qui veut qui peut être caché à ta conscience. Là, là, le gros test ultime pour la lumière, là, c'est de savoir si tu peux savoir, si tu as le droit à savoir, puis une fois que tu sais, comment ça va agir dans ta conscience, le fait que tu saches. Eux autres, c'est leur plus grosse réalité à observer chez une personne en fusion de conscience ou en développement de conscience avec la lumière. Parce qu'eux autres, dans leur œil, il y a une chose qui compte. Y a-t-il de l'orgueil dans celui qui parle? Quand on parle d'orgueil, ça veut dire que t'es pas capable d'écouter le point de vue parce que tu penses que tu as tout le temps raison, mais d'un autre côté, tu haïs tellement le mensonge que tu vas écouter le point de vue en relation avec si c'est intelligent. Puis pour toi, ce qui est intelligent, c'est la totale et universelle que l'homme doit être libre. Et ça, sacrement, quand tu as décidé ça avant ton incarnation, ils ne savent pas jusqu'où ça va aller. C'est pour ça que tu disais tantôt, on peut changer le contrat. Exactement, parce que l'individu en incarnation, il peut renégocier le contrat avec sa conscience nouvelle. Ouais, ben on va enlever un mot renégocier, mais je comprends ce que tu veux dire. Si tu me mets un autre mot, tu dirais quoi? Ben, il pourrait amender le contrat ancien. Ouais, dans le sens qu'il lui dit à la lumière qu'il va être clair. C'est-tu mieux, ça? Oui. Ouais. Ou comme tu l'as déjà dit, « Don't fuck with me ». C'est cela. Fait que quand cette autorité-là absolue de l'homme avec l'invisible est établie, eux autres, penses-tu qu'ils savent si tu as dépassé ta conscience astrale ou pas? C'est sûr qu'ils savent. Bon. Fait que si, mettons, tu ne l'as pas dépassé puis tu parles comme ça avec eux autres, penses-tu que l'entité maîtresse va revenir faire ce qu'elle a à faire ou c'est assez pour la brûler? Non, on va revenir, ils vont rebond occulte parce que t'as encore feuilles astrales. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, une conscience astrale. Tant que t'as pas dépassé toutes tes indivisibilités avec la lumière, ça veut dire que ton union doit être parfaite et universelle, t'es manipulable. Puis si t'es manipulable, ça veut dire automatiquement que l'entité maîtresse n'a pas été dévoilée. T'as peut-être de la colère, t'es peut-être capable de te mettre en rébellion contre la manipulation puis d'être en crise, mais de savoir puis d'aller voir sur les plans universels comment ça a été orchestré, cette entité maîtresse-là, puis c'est quoi sa vibration maîtresse à cette entité-là, comme il y en a que c'est, comme on disait tantôt, ça peut être, il y en a que ça, ils peuvent être arrogants, il y en a qui peuvent avoir l'orgueil. Puis imagine quand c'est l'orgueil. Penses-tu que c'est pas difficile à dévoiler? Pas quelqu'un là qui est premier ministre ou quoi que ce soit, là, ou président des États-Unis. Lui, il pense qu'il est en puissance, là. Ben il oui, je pense intelligent, qu'il a un quotient intellectuel élevé. Si ben on oui. pense à Donald Trump, ben parce oui. qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était pas intelligent, puis lui, il sort ça. Fait que jamais lui va penser qu'il y a de l'orgueil dans sa conscience. Ben là, non. On parle de quelqu'un qui est inconscient, mais on parle, là, si on va plus loin, puis on parle de Bernard de Montréal, un être hyper conscient, OK? Un être extra-lucide. Si on parle de n'importe qui est dans la conscience supramentale ou qui est dans, appelons ça comme on l'on veut, là, la conscience supramentale, la conscience universelle, si on regarde ces gens-là, puis s'ils ne sont pas capables de respecter l'homme, à quelque part, sont dans un geste d'orgueil. Moi, j'ai rarement vu Bernard de Montréal manquer de respect à des individus, mais il a fait des faux pas, mais il les a corrigés. Et amende honorable, parce que quand tu fais un faux pas, tu as le droit de pouvoir, parce que l'astral, c'est puissant. Les gens n'ont pas d'idée comment l'astral, c'est puissant. Puis imagine, tu as une entité collée au cul, 24 sur 24, l'entité maîtresse, jusqu'à temps que tu parles rien qu'avec ton double, puis que tu veux que lui, l'entité maîtresse, ne peut plus être utilisée d'aucune façon contre ta conscience, parce que ton discours avec le double, il est permanent. Puis lui, tu l'as descendu à l'horizontale. Ça veut dire qu'il est même plus au-dessus de ta tête, le double cosmique. Il est à l'horizontale, puis tu le bypasses n'importe quel temps pour parler avec la lumière, parce qu'ils ont toujours un bon point de vue. Mais ton double, ça veut pas dire qu'il est plus intelligent que toi. Ça, les gens doivent comprendre ça. Exactement. À quelque part, les gens ont beaucoup de difficultés à traiter avec le pôle négatif de leur conscience. Puis, on veut être dans le positif, tu sais, on veut, on, mais l'univers est fait de négatif et de positif. Donc, la lumière s'est faite de négatif et de positif, et ça se rejoint. Puis dans le centre parfait de l'énergie de l'homme, il y a la contestation contre le mensonge cosmique, et il y a aussi la rébellion. Puis quand on parle de contestation, c'est une façon de se mettre en vibration contre ce que l'on vit. Donc la colère, comme tu l'appelles la colère mentale, mais c'est une vibration, la colère. Hein? On se programme pas à dire « Ah, ben là, je vais vivre une colère mentale. » La colère vient du fait que l'homme est manipulé. Mm-hmm. Quand il découvre qu'il est manipulé, il est en tabarnak. Quand tu fais l'étude de ta conscience astrale, là, neutre de ta conscience astrale, ils vont dire à un moment donné, savez-vous que vous allez perdre 200 000 piastres à 55 ans à la bourse? Puis là, tu vas dire, quand tu es bien conscient, tu vas dire, ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Puis quand tu vas le vivre, tu vas dire, ouais, tabarnak, vous me l'aviez dit, tu le savais. Mais imagine quand c'est caché à ta conscience que ce que tu vas vivre est lié à te mettre le feu au cul, que ta conscience astrale, quand tu l'explores totalement, elle a été formatée sur les plans de la mort. Elle est formatée pour t'amener à mourir. Fait que c'est contre ça que tu te rebelles. Tu te rebelles pas par une petite expérience que tu as vécue. Tu te rebelles contre toute la consécration de l'imposition de la noirceur sur ta conscience en lien avec ton évolution. C'est pour ça que la colère mentale, quand t'en vis, là, David, tu vis ça en lien, par exemple, on te manque de respect, ou quelqu'un sur la route te coupe. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, t'es en tabarnak. Mais si t'es avec ta blonde, tu vas décider de pas être en tabarnak parce que ça donne absolument rien. C'est une expérience personnelle. Fait que c'est les gens. Ben, attends une minute, parce que j'ai déjà expérimenté ça. Quelqu'un qui me coupe d'une manière cavalière, que je sois avec ou sans elle, ça se peut que je parle à voix haute, hein, je vais dire, mais tabarnak, pourquoi vous me faites vivre ça ou, tu sais, arrêtez ça de calice, tu sais? Ben non, mais c'est ça la réalité. Quand tu vis une réalité astrale ou une réalité de conscience en lien avec le développement de ton identité, tu dois être capable de supporter des événements tout seul pour toi-même. Puis, je t'assure que toute haine et toute colère amenée à l'intérieur du couple, ce n'est pas ça qui va donner à une personne une configuration cosmique sur les plans invisibles. Parce que c'est toute la crise de manipulation, même ça. Le but d'être en couple, là, sais-tu, c'est quoi? Oh non, non, mais le point, c'est que la colère n'est pas dirigée dans mon rapport avec... Je sais bien, c'est juste entre moi et les plans que je le verbalise à voix haute en disant « c'est une calice de tabarnak », tu sais. Mais je vais dire quelque chose que beaucoup de gens n'aimeront pas, là, mais c'est comme ça marche. La femme est beaucoup moins incarnée dans la matière. Elle ne peut pas faire la guerre au plan comme l'homme peut le faire. Et l'homme doit toujours protéger sa femme de cette guerre-là. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que le mensonge cosmique a été interposé dans le développement aussi de la femme? Le mensonge cosmique, c'est appartient autant à l'homme et à la femme, mais c'est l'homme qui va le fracturé, et la femme, elle, dans son amour, elle va harmoniser l'absence de ce mensonge cosmique-là sur la conscience planétaire. T'aimes-tu ça, ce que je dis, ou t'aimes pas ça? Ben, je vois qu'il y a une vibration derrière ça. C'est sûr que quand je réfléchis, je me dis que peut-être que des gens qui vont écouter l'enregistrement puis ils vont te trouver sexiste. Ouais, parce que je défends absolument toute la femme au point de vue du principe de l'amour. Puis s'ils ont entendu que la femme n'avait pas un rôle à jouer, ils n'ont pas bien écouté. Hein? Ils sont mieux de reculer dans l'enregistrement puis de bien écouter ce que j'ai dit. Toi, c'est-tu ça que tu as entendu, que la femme n'avait pas un grand rôle à jouer? Non, non, c'est sûr que la femme a un grand rôle à jouer. Bon, mais est-ce qu'elle peut avoir tous les rôles? Ben, moi, la femme multidimensionnelle qui est au-delà de la forme, éventuellement sera capable, de mon point de vue, d'avoir tous les rôles. Oui, mais présentement, est-ce que c'est comme ça? Non, non, je comprends que présentement, c'est pas comme ça, puis c'est pas réaliste comme ça. Sauf que Je veux m'assurer que les gens pensent pas qu'on tombe dans des catégories de la psychologie populaire qui vont dire que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut clarifier le propos pour s'assurer qu'on n'est pas dans une polarisation. Je redis ce que je j'ai dit. Le mensonge cosmique va être abattu par l'homme parce que lui seul peut le pénétrer, parce qu'il a la colère et les corps matériels suffisants à incarner dans la matière, parce qu'il a connu la domination, il sait c'est quoi le visage de la domination, il n'a pas peur de la noirceur qui est derrière, quand on parle des planisphériens qui sont derrière ça, et il peut monter suffisamment en vibration pour aller se connecter au principe universel que tout ce qui vient d'ailleurs doit être dévoilé. Et quand c'est dévoilé, ça n'a plus d'impact dans la matière parce que l'impact que ça a, qu'il avait et ne peut plus être un mensonge parce que l'information est réellement transmise à l'homme. Quand la femme sait très bien que le monde de la mort va tout être épuré, puis qu'elle, au niveau de la vibration de son amour, elle va faire monter dans les univers parallèles l'identité que sur la Terre, il y a un geste d'harmonie qui doit être absolu et que c'est la femme qui va toujours l'amener parce que déjà dans la vie de la matière, on le voit très bien dans les couples, à 90% du temps, ce n'est pas la femme qui détruit l'harmonie dans un couple. Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est souvent l'homme, quand il est Bon. orgueilleux puis qui est dominant, là. Bon. Donc, puis tu amènes un versant que j'ai très peu exploré. L'orgueil, elle appartient autant à l'homme et à la femme, mais celui qui en a le plus, c'est l'homme. Du point de vue de la lumière. Puis quand, là, je te parle, là, il faut que les gens entendent bien que c'est pas Marc de la Salle qui parle. Je parle du point de vue de la lumière. Explique-moi ça, pourquoi que du point de vue de la lumière, ils disent que c'est l'homme qui a de l'orgueil. Explique-moi ça. Ben, c'est intéressant, mais si je l'explique, je peux me créer des oppositions avec des gens parce que ils vont voir mes propos comme étant sexistes. Ouais, mais là, tu parles avec Marc de la Salle, puis tu parles avec quelqu'un qui veut savoir si, dans ta conscience, il y a un verbe ou il n'y en a pas. Fait que vas-y. OK. C'est parce que l'homme a un principe expansif, à la OK. différence de la femme qui est plus dans la réceptivité. OK. Bon, parce que quand tu dis OK, je pensais que tu voulais que tu rajoutais quelque chose, là, de Non, ta non, part. tu continues. OK. Fait qu'il y a un principe expansif, puis l'énergie expansive, si elle est mal gérée, automatiquement, ça crée de l'orgueil puis de la domination sur l'autre. Bon, bravo, tu l'as le verbe. C'est ça que je voulais entendre. C'est ça que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la vibration de ce que la personne va dire. J'ai pas de besoin de réfléchir parce que dans la vibration, je sais si c'est ça ou pas, c'est ajusté ou pas. Ce que tu viens de dire, c'est totalement ça. Vu que l'homme est expansif, il peut se donner des autorités auxquelles il ne voit pas complètement. Puis penses-tu que s'il n'a pas tout traversé son mensonge en lien avec sa conscience astrale, il va s'en donner des autorités qu'il n'a pas droit, mais qu'il va penser que c'est sa puissance? Exactement, ils vont l'emmener large, puis ils vont empiéter sur le terrain de la femme. Et voilà. Puis mais il va même poser des gestes d'orgueil à l'égard des autres hommes, pas nécessairement la femme qui va en souffrir, là. Toutes les êtres sensibles, là, qui écoutent, là, qui pensent qu'à quelque part, je suis en train de parler puis de diminuer la femme, là, je vous dis tout de suite, la femme est un grand être de lumière beaucoup plus avancé que l'homme parce qu'elle n'a jamais vraiment quitté la lumière. Mais en même temps, ce que tu nous dis, c'est que la femme, à quelque part, elle est dans la merde, parce que si elle n'est pas capable de contester l'occulte puis vivre la colère mentale comme l'homme, elle peut pas s'auto-émanciper psychiquement. Elle la vit, la colère mentale. Elle n'a pas aucun problème. Le moi aussi, tu ne penses pas que ce n'est pas de la colère? Il y a des femmes qui sont en tabarnak. Tu sais, les femmes ont toujours dit, ben, c'est eux autres qui l'ont, l'amour. On a clarifié ça, que c'est pas l'amour, c'est une énergie universelle. Mais le principe de l'amour, il descend beaucoup mieux dans la femme parce qu'elle est déjà, comme tu dis, beaucoup moins en guerre contre l'invisible, beaucoup moins en guerre dans le principe de l'harmonie. Là, on parle. La conscience astrale là, des deux êtres incarnés qui sont l'homme et la femme sont totalement différentes dans leur principe de libération de la lumière à laquelle ils appartiennent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Bon, ça veut dire que chacun a son rôle. Il n'y a pas excusez, chacun une vibration particulière pour amender avec l'astral, la noirceur, sa conscience. Le rôle de la femme, c'est d'être en crise contre tout homme qui veut la dominer dans la matière. Puis quand elle est en crise, là, elle envoie le message direct au plan de la lumière. Là, astie, occupez-vous de vos astis d'affaires parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'homme. Puis l'homme, lui, quand il sait ça, que la femme est déjà très près de la lumière, il ne casse pas les pieds. Mais il sait très bien, selon son rôle, c'est pas tous les hommes qui ont à parler, à définir c'est quoi le mensonge cosmique. Il y en a très peu qui peuvent le définir sans se faire masturber dans leur tête puis se donner un rôle d'autorité. Il y en a très peu qui peuvent faire ça. Pourquoi? Encore l'orgueil. L'orgueil, mais aussi le feu d'incarnation. Penses-tu que Bernard de Montréal est descendu sur la terre pour se faire prostituer par la noirceur? C'est sûr que non. Ça veut dire ça que la lumière, là, il lui commande, en gros, descendez-en, je fondrai pas. C'est comme Gandalf, il dit, c'est moi qui décide sur la planète Terre où va aller mon verbe. C'est pas la lumière qui décide de ton verbe. C'est-tu la lumière qui décide de ton verbe? Non. Ultimement, il décide de rien au niveau de ton verbe. L'homme est libre de parler comme il veut. Quoique c'est pas lui qui pense, donc les pensées qu'il reçoit viennent pas de lui. Ah, oh, ça c'est intéressant. Mais tu savais-tu qu'à un moment donné, quand l'homme a plus de conscience astrale, qu'il a dépassé sa conscience astrale, il est du même acabit que la lumière? Dans le sens que tout a intégré leur énergie, fait qu'il est similaire. Ouais, il a brûlé tout l'orgueil qu'il pouvait y avoir dans sa parole. Ça veut dire ça qu'il connaît très, très, très bien le fonctionnement astral de toute entité du monde de la mort. Il connaît aussi systématiquement la manipulation de hautes entités du plan de la mort spirituel pour créer dans l'homme des formes. Tu sais, là, si je te disais, bon, mais David, là, pour intégrer tout ça, là, je te suggère des exercices à faire durant la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ben, c'est sûr que je vais dire, ben là, Chris, c'est supposé être vibratoire, là. Fait que j'ai pas supposé passer par des exercices. C'est ça, en réalité. Il n'y a aucun exercice à faire. Parce que tu le dis, c'est tout est vibratoire. Puis une vibration, ça ne se commande pas, ça ne se discute pas, ça se vit. Mais quand tu veux la commander, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois interpeller la lumière, puis tu lui dis, parlez-moi comme du monde, si. Puis sortez de votre silence. Puis quand tu lui dis ça, là, sais-tu ce qu'il me répond? Vas-y. Il dit, c'est un froid absolu. Pourquoi que c'est un froid absolu? Parce que la personne qui est pas émotif, ben c'est un froid, c'est pas de l'âme. C'est ça. Donc c'est, tu sais, quand ils disent là, c'est blanc. Mm-hmm. Tu sais, la lumière c'est blanc, mais c'est froid aussi. Hein. Et tu peux voir sur les plans la réverbération de la pénétration de ton verbe. Puis si je demande aux forces de la lumière ce que je dis à soir, est-ce que c'est ça? Ils te disent quoi, toi? Oui. Moi, ils disent, c'est absolument ça. J'ai dit, pourquoi est-ce que l'homme ne parle très peu? Il dit, il faut qu'il ait le feu pour parler comme ça. Il faut qu'il s'assure qu'il n'astralise pas celui avec celui qui parle. Il faut qu'il vérifie aussi les sentiers de la noirceur qui peuvent astraliser le propos. Il faut qu'ils aussi connaissent toutes les manifestations possibles de la noirceur, de s'intercaler dans son verbe ou de s'intercaler dans la vibration de l'autre pour tout simplement lui l'amener à commettre un geste d'orgueil. Ouais. Fait que si on commet un geste d'orgueil, on est fait à l'os. C'est récupérer ce qu'on a dit par la noirceur. Et c'est pour ça que je dis, David, quand tu mets des extraits, des conférences ou de l'entretien sur les plans, il faut, sur le YouTube, il faut absolument, absolument pas que ça soit trop, trop loin. Parce que celui qui achète pas la conférence va récupérer un petit bout de phrase. Puis moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel la semaine passée. Puis il a tout simplement dit, j'avais fait une capsule sur consciousness, what's consciousness. Il me dit, copie-coller de Bernard de Montréal. Copie de Bernard de Montréal. Fait que moi, je suis allé sur YouTube, puis j'ai enlevé son commentaire. Puis cet individu-là, là, il me harcelait quand j'étais sur Facebook. Puis j'ai écrit à un moment donné pour lui expliquer gentiment que ce que je fais, ça peut être similaire, parce que penses-tu que je vais commencer à m'inventer des mots pour me dégager des mots que Bernard de Montréal utilisait? Au lieu d'appeler double cosmique, on va appeler ça, tiens, je sais pas, Boubou la canotte, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un manque de reconnaissance et de respect pour le travail qu'on fait, parce que c'est certain que le verbe, OK, ne changera pas au niveau de l'interpellation des mots pour définir une réalité, mais ça ne veut pas dire que les mots n'évoluent pas à travers le prisme de conscience. Ça veut dire que si je parle de supramental peut devenir universel, mais est-ce que faut tout simplement rayer le terme supramental? Est-ce que c'est trop tôt pour rayer le terme supramental? Je pense que oui. Mais bon, ben là, supramental, c'est Bernard de Montréal qui dit ça, c'est pas bon de l'utiliser. Mais t'as pas à être justifié, Marc. T'as juste à affirmer ta vibration. Ben, qui dit que je me justifie? Ben, je fais t'expliquer des choses. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que le gars, il peut te manipuler pour t'amener à te justifier. Ben, ce que je voulais démontrer, David, c'est que les gens, OK, ils veulent trouver une faille à ta conscience, ça leur fait plaisir, parce qu'ils peuvent pas supporter leur propre lumière, puis d'aller en haut et dire, c'est qui parle dans ma conscience? Le type, là, si je lui disais, là, est-ce que c'est ton astral qui parle dans ton ego ou ton esprit? Lui, il sait même pas qu'est-ce que c'est. La différence entre les deux. Je sais bien que l'homme n'a pas de temps à perdre, mais j'explique ça pour démontrer aux gens que l'astral est très puissant. C'est ça mon point. L'astral est très puissant. Puis l'astral se manipule tout le temps. OK? Ça manipule tout le temps l'ego pour se donner un A+, puis donner à l'autre un A-. Exactement. Donc, par rapport à la manipulation de l'astral, comme elle est tolérée par le double, puis on disait tantôt que le double s'en sert même. Ouais, mais le double, il se sert de la manipulation de l'ego. Il se sert pas de la manipulation de l'astral. Il se sert de la manipulation de l'ego, puis s'il voit que ça va trop loin, il va interférer sur l'entité maîtresse. Il va, par exemple, tu vas traverser la rue, puis un gars, il va le brancher sur quelqu'un, puis la personne va dire « OK, assure-toi de bien faire ça ». Puis là, toi, tu dis « Assure-toi de bien faire ça », puis toi, tu sais exactement à quoi que ça veut dire. T'as même pas besoin. Le gars, c'est tout ce qu'il va dire « Assure-toi de bien faire ça ». Chris, comment il sait ça, lui? Mais c'est comme ça que fonctionne la lumière. Ou il y a des gens qui vont écouter une conférence en boucle, puis la vibration va leur permettre de monter en vibration, et c'est ce qui va faire le travail pour distancer l'entité maîtresse de leur conscience et de voir c'est qui vraiment le double un jour. Penses-tu qu'on fait ça pour rien, tabarnak? On fait pas ça pour rien, mais les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on veut se sentir important. On se sent pas important, tabarnak. On a l'autorité de parler, c'est le mandat cosmique de l'homme de parler, puis celui qui a parlé, ben qui parle comme du monde, puis s'il parle pas comme du monde, ben tabarnak, il sache. Oui, mais les enregistrements, on fait ça par rapport à nous. Moi, je me vois... Non. Toi, tu fais peut-être ça par rapport à toi, mais c'est pas vrai que tu fais ça par rapport à toi. Puis moi, t'expliquer pourquoi tu fais pas ça par rapport à toi. Tu te l'expliques, pourquoi? Oui, vas-y. La lumière veut que tu parles. La lumière a décidé que tu allais parler. La lumière t'a mis en contact avec Marc de la Salle, avec qui tu as développé une très grande affinité puis pour parler. Penses-tu que tu fais ça pour parler pour toi? Tu fais pas ça pour toi, parce qu'à quelque part, ils ont décidé qu'à quelque part, tu rencontrerais quelqu'un qui te permettrait de parler. Pourquoi est-ce qu'ils veulent que tu parles, eux autres? Là, vas-y. Ben, moi, la façon que je le vis... puis ça, c'est pas par rapport à toi, là, mais c'est par rapport à moi, là. C'est par rapport à mon intégration de la vibration puis de mon esprit à travers les propos puis les... Puis tu penses que c'est pas eux autres qui sont derrière ça, toi? Ben, eux autres sont derrière ça, mais je veux Bon. dire... J'ai, Fait que j'ai, t'es j'ai... pas... Attends une minute, c'est parce que le point que je veux clarifier, c'est que j'ai pas de mandat pour parler présentement par rapport au collectif. C'est ça que tu penses, puis c'est pas vrai. Ben, T'as un Chris... mandat, sur les plans de parler, puis ton mandat est déjà entendu sur les plans. Quand tu dis collectif, là, tu dis tout le temps ceux qui appartiennent à l'âme. Mais ça fait longtemps que tu appartiens plus au monde de l'âme, David. Tu appartiens à quel monde, d'après toi? J'appartiens au monde de l'esprit, mais mon Bon, ben, tu intégration est parles pas encore. toujours, quand tu fais tes choses sans le savoir à ceux qui ont de l'esprit, tu parles pas pour ceux. Ton travail que tu fais dans le jour, ça, tu le fais parce que tu sais que tu le fais pour l'âme. Parce que tu travailles ta conscience astrale. Mais je vais te dire une chose. Arrête de faire des enregistrements. Puis tu vas me dire, je suis pas capable d'arrêter. Non, c'est pas vrai que t'es pas capable. C'est juste que tu as la vibration d'avoir à le faire sans te faire baiser. Quand tu le fais. Si cette condition-là est sine qua non avec ta vibration d'explorer c'est qui ta conscience astrale, puis ça, ils savent très bien que, bon, mais David Lévesque, comment on va l'amener à être conscient? Ben, lui, il va parler, il va faire des choses, il va penser qu'il n'est pas public, mais ils vont dire à un moment donné, c'est pas parce que tu vends rien que tu n'es pas public. Exact, mais c'est un public restreint. Tu sais, je veux dire, j'ai à peu près 100 abonnés. C'est très loin des gens qui ont plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, là. Je veux dire. Ça, c'est parce que tu te compares au mécanisme de comment ça fonctionne l'astral. Si tu te parles au niveau de l'esprit public, ils vont te dire, tu as rien que besoin d'une personne pour être public. Pas compliqué, hein? Oui, mais ça ne me permettra pas de vivre de ma parole. Mais toi, tu vois, tu rattaches ça à quelque chose de personnel. Puis qui te dit que ta parole, tu dois en vivre? Non, c'est vrai que je peux être astralisé par un désir d'en vivre. Bon. Les autres, ils savent-tu si un jour tu vas vivre de ça? Demande-le donc. Oui. Fait que pourquoi tu t'en occupes? Parce qu'à quelque part, tu connais pas assez ta conscience astrale. Explore ta conscience astrale. Moi, je pourrais dire, ton entité maîtresse comme vibration, elle aurait ceci et ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que c'est, le ceci et ceci? Ah, ben, Vas-y. c'est difficile pour moi de dévoiler ma propre zone d'ombre. Ah, ben, si tu veux pas le dévoiler, Non, je vais le faire pour non, toi. mais je Vas-y. ben, c'est sûr que j'ai beaucoup de désir d'ego que rapidement mes enregistrements, ça soit payant. Fait que c'est sûr que Donc, finance. Ouais. Puis, à quelque part, tu as eu un père autoritaire pour t'assurer que ton autorité soit une réelle autorité, pour pas que tu sois dans la supériorité, pour te protéger de l'orgueil. T'aimes-tu ça, ce que je te dis? Je te diminue-tu? Non, pas du tout. Je trouve ça intéressant. Bon, ça veut pas dire que c'est ça. Je te mets en garde tout de suite contre ce que je dis, mais je t'offre des pistes qui sont intéressantes en lien avec ce que je connais de ta conscience astrale. Mais ta conscience, lumière, ton esprit, je le connais aussi. Tu veux-tu que je t'en parle? Oui, vas-y. Une grande fluidité pour le dialogue, puis une grande simplicité pour ce qu'il est dans cet esprit-là. Puis quand tu sors de la fluidité puis de la simplicité, c'est parce que tu te ramènes trop personnellement à ton expérience ou tu essaies trop de vouloir expliquer aux gens psychologiquement. Vas-y, quand je te demandais tantôt, vibratoirement, Chris, ça se conteste pas. Ce qu'on dit, ça se conteste pas au niveau de la femme puis de l'homme. Mais quand on amène le rôle d'expliquer, par exemple, pour que les gens ne commettent pas d'erreur en interprétant ce qu'on dit au niveau de la femme et l'homme, ça c'est correct. On fait une mise en garde. Mais quand on veut toujours s'adresser à de l'âme, on est dans de la spiritualité. On parle depuis le début de la première conférence ou de la première entretien avec toi public que j'ai fait, c'est pour parler au niveau de l'esprit, mettre en vibration l'esprit. Je me calisse de l'âme, même si on est obligé d'en parler parce que l'homme doit pénétrer ce noyau-là de merde, de mémoire, pour en sortir, tu sais, totalement libre, neutre. La neutralité, là, c'est plus grand que la froideur. Pourquoi? Parce que c'est le savoir absolu que l'homme est immanipulable. La neutralité. Quand tu es neutre par rapport à tout, on ne peut plus te manipuler. Oui, parce que la personne ne vit plus émotivement, là. C'est ça, son corps mental est tellement épuré de sa programmation astrale. L'entité maîtresse, là, quand elle est pognée à la finance, là, m'a dit dire une affaire, tu vas acheter quelque chose. Ah, ben, je peux pas dépenser tant que ça. Ben oui, c'est elle qui run le show. Ah non, tu n'as pas le droit de te faire plaisir. Tu travailles à longueur de semaine, puis là, tu veux te faire plaisir, puis l'entité maîtresse, là, elle, tout de suite, elle vient saper ton énergie, elle te fait vivre un petit peu de culpabilité. Puis là, tu dis, ouais, mais j'ai pas d'argent. Ah, mais ta vibration, elle, c'est pas important. Hein? Fait que reste avec l'argent que tu as. Conditionne-toi personnellement à penser que à cause que tu vas dépenser 50$, là, que tu vas épargner. Conditionne-toi. Ben oui, tu vas sortir ton auto, tu vas frapper un nid de poule, ça va te coûter 350$. Non, c'est sûr qu'il faut sortir du mental réflectif calculateur, parce que sans ça, on est piégé par ça. Ouais. Tu sais, une vibration, là, ça se discute pas. Puis, une projection, ça se voit. Quelqu'un qui veut projeter sa conscience sur d'autres pour lui dire, quoi, par exemple, si je te dis, ah, oh, David, t'es un grand orateur public, j'espère que tu m'envoies chier. Je te dis même pas que tu es un orateur public, je vais te dire c'est quoi ta vibration. Puis c'est tout qui compte pour moi. Le reste, c'est pas important. Tu as été mandaté par la lumière pour parler, puis tu vas parler. Puis je sais que tu n'as pas trop à te censurer, parce qu'à un moment donné, tu vas savoir que qu'est-ce que tu dis, c'est exactement ça. Mais c'est sûr qu'en ce qui me concerne, que je sois mandaté par la lumière... je veux dire, j'ai pas à communiquer avec beaucoup de personnes présentement sur Terre. Il y a pas beaucoup de gens qui écoutent mes choses sur YouTube. OK, c'est important, par contre, que tu saches pourquoi qu'une personne est mandatée par la lumière. Dis-moi pourquoi qu'une personne peut être mandatée par la lumière pour parler. Dis-moi pourquoi qu'eux autres, ils voient ça comme ça, les plans. Ah, oh, ben c'est parce qu'ils programment la personne pour ça. Ouais, mais pourquoi qu'ils l'ont programmé pour ça? Parce que ça sert leur agenda. Ça sert à leur agenda? À oui. Eux autres? Oui. Ouais, OK. Mais va plus loin que ça. C'est parce qu'à un moment donné, ils sont bloqués dans leur évolution, puis s'il n'y a pas des gens, ben c'est ça. Si eux autres, là, au niveau des infinités, de la capacité de lumière de l'homme, il y a une limite, c'est pas fort, hein? Exact, ils sont limités. Fait que tu vas-tu contester encore, tu penses, ta lumière quand tu sais ça? Non, mais je vais contester la manipulation qu'elle me fait vivre. Ouais. Que te montrer que t'es pas public, t'as pas la vibration ou quoi que ce soit. Sais-tu que la crainte, l'orgueil, c'est l'inversion de la crainte? Ah, vas-y. Explique pourquoi. Tant qu'il y a de la crainte dans le mental, l'homme doit être manipulé par l'orgueil pour soupeser ce qu'il dit en lien avec son astralité qui lui donnera une autorité sur l'autre. Mais quand il n'y a pas de crainte dans le mental de l'homme, il regarde l'autre et il sait qui il est. Il n'a pas besoin de le diminuer, il n'a pas besoin de lui montrer ses faiblesses, il n'a pas besoin de lui montrer ses forces, il sait qui il est, et il dira à l'autre ce qu'il a à lui dire pour élever la vibration de sa lumière sur les plans sans même que lui le sache. Parce que quand tu parles avec moi, là, puis sois bien libre de répondre comme tu veux. Est-ce que l'astral se tasse? Oui. Il y en a moins que quand tu es seul. Ouais, puis il y en a moins quand que je parle avec des gens qui sont plus astralisés. Bon. Fait que moi, je le connais, mon mandat. Tu comprends? Ouais. Fait que, à quelque part, les gens vont dire, ben, il se prend bon, là, il pense qu'il est bon. Non. Je feins de dire que j'aime beaucoup qui tu es, David. C'est tout ce que je viens de dire. Et j'apprécie également qui tu es, parce que sinon je ne ferais pas d'entrevue avec toi. C'est ça. Moi, si à quelque part je ne respecte pas l'homme, c'est le premier drapeau qui lève dans ma conscience pour me dire, je n'ai pas encore traversé mon désert. Il y a encore de la crainte. Il y a probablement encore de l'orgueil qui se glisse dans ma conscience parce que ma souffrance ou la sensibilité que j'ai pour intercepter le mensonge cosmique n'est pas intacte. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais savoir du mensonge cosmique? Bien, si on met ça en relation avec l'exploration de sa conscience astrale, Tu es obligé de le connaître totalement. ben c'est là que j'allais y venir. C'est-à-dire que pour être capable de se dévoiler, en fait, d'être libre de la conscience astrale, il faut être libre du mensonge cosmique. Ouais. Bravo. Bien parlé. Bon. Mais tantôt, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la peur puis l'orgueil, parce que ce qui m'est venu en tête, c'est La que crainte, la la crainte, crainte. pardon. La crainte, c'est plus grand que la peur. La peur, c'est une petite conséquence psychologique de l'ego. Alors que la crainte, l'homme a été programmé dans sa conscience à l'incarnation pour vivre de la crainte. Donc, est-ce qu'on peut dire que la crainte, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que l'orgueil serait une forme de compensation de la crainte au sein de l'individu. Oui. OK. Fait que plus que la... Par OK. exemple, si tu vois quelqu'un, puis c'est de la lumière, mais tu n'es pas capable d'accepter que c'est de la lumière, ça veut dire que tu as de la crainte, hein? Exact. Donc, tu peux commettre un geste d'orgueil plus facilement. Oh, il n'est pas plus intelligent qu'il dit qu'il est, hein? Tu sais, une réaction rapide, là. C'est ça, parce que la personne n'est pas capable de supporter la lumière, puis là, elle se fait astraliser par l'entité astrale qui veut pas être brûlée par le feu de l'énergie de l'autre qu'elle C'est pourrait ça, c'est absorber. ça. C'est ça, bravo, bravo, c'est bien parlé, ça. Donc, à ce moment-là, on peut dire que l'orgueil est inversement proportionnel au niveau de crainte de la personne. Ouais, mais le côté subtil de l'orgueil, c'est que c'est totalement luciférien. Ça fait partie du mensonge cosmique. Tu sais, quand je te dis le mensonge cosmique, ta conscience astrale, faut que tu connaisses ce que c'est. Puis l'orgueil, ça fait. Tu prends la crainte, là. Les forces de la lumière ont créé une âme pour qu'elle vive de la crainte en lien avec son incarnation. Ils ont caché dans cette crainte-là une des plus grandes craintes, la mort. OK? C'est quoi la mort? Ben là, l'âme veut pas mourir. C'est quoi la mort? Il y a plein d'âmes qui veulent pas mourir, hein? Exactement, parce qu'il vit à la crainte de la mort. C'est ça. Puis dans ça, là, derrière ça, là, il y a eu une expansion du plan luciférien, okay, qui a utilisé la domination de l'homme contre l'homme pour inverser la crainte, pour lui faire penser qu'il est en puissance. Tu comprends? Tu vois-tu ce que je te dis? Oui, ça amène l'orgueil. Et voilà. L'homme est en puissance. L'ésotérique, la spiritualité, ça met l'homme en puissance avec quoi? De l'astral. L'astral. Et qu'est-ce qu'il y a derrière de l'astral? Il y a des vibrations qui sont basses, des entités en voie d'évolution, il y a les Il y a ténèbres. une. Est-ce, OK. Les ténèbres qui sont une totale manipulation anti-homme. C'est tout anti-homme, hein? Ouais. Donc, pour eux autres, comment tu penses qu'ils peuvent amener quelqu'un à se suicider? Ils vont pas dire que le suicide, c'est anti-homme. Ils vont dire non, tu vas te libérer de tes craintes, tu vas te libérer de ce que tu souffres. C'est de l'orgueil en lien avec lui. Mais c'est-tu la lumière qui dit ça? Non, c'est sûr que c'est l'astral. Tu vois-tu que le plan luciférien, le plan satanique ont comme trophée l'orgueil? Exactement. Puis c'est sûr que quand on en fait l'étude présentement, je regarde ça puis je vois à quel point c'est écœurant. C'est triste, hein? Oui. Et c'est triste aussi de voir que le double, les plans de la lumière, laissent faire ça. Ah, ça c'est intéressant, David. On va regarder le point de vue. T'es Bon, d'accord? oui, vas-y. Parce que tu m'amènes obligatoirement à démontrer qu'ils ont toujours un bon point de vue. J'en ai très peu parlé, là. Si on la regarde du point de vue de l'homme, on va dire c'est triste, c'est pathétique. Je dis, OK, donc c'est quoi votre point de vue de laisser tout ça? Hein? C'est ça? Exact. OK. Une des premières choses, ils disent, on travaille sur un ego qui n'a pas aucune capacité de connaître de la lumière au départ. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. On travaille avec des mondes d'expansion et de constriction ou de compression en lien avec mettre de la lumière dans cet ego-là. Tu es d'accord? Oui. Il dit, on ne peut pas le faire d'une shot. OK. On a besoin donc de ce plan-là opaque qui diffracte notre lumière ou qui la diminue en intensité pour qu'on puisse le toucher, cet ego-là. Puis plus il y a de la lumière qui rentre dedans, plus on peut en descendre. C'est ça le point de vue. C'est intelligent? C'est intelligent. Par contre, C'est-tu totalement intelligent? non. Pourquoi que c'est pas totalement intelligent? Parce que ça amène beaucoup de domination contre l'homme. Il dit, mettez-vous dans notre position de créateur. Qu'est-ce que tu dis? C'est intelligent, ce qu'on fait? Oui, mais mettez-vous dans notre position d'homme incarné dans la matière. Là, OK. Là, ils disent, de votre point de vue, en tant qu'homme incarné, c'est pas intelligent, mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est intelligent. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Et voilà, tu as vu, tu as changé. Pas parce que tu t'es soumis à la vibration de ce que j'ai dit, c'est parce que ton intelligence au niveau de ta liberté comprend très bien le principe cosmique de cette infinité-là, de créer dans un espace-temps une conscience vibratoire absolue. Ils sont-ils contents du travail qu'ils font avec toi? Demande-le donc. Oui. Tu vois, ils disent oui. Pourquoi? Ben, ce qui me vient en tête, c'est que ça avance, là. OK, puis moi, il me dit, m'en disons pourquoi que ça avance. Qu'est-ce qui fait que ça avance? Quelle est la plus grande réalité qui t'amène à avancer? Ben, c'est que j'ai souffert dans ma vie, puis je suis ouvert à cause de tout ça à autre chose. Donc, ta sensibilité reste ajustée sur le courant que la lumière a un bon point de vue? Oui. Tu vois, ils sont intelligents. Oui, je suis manipulé intelligemment par eux. Ouais, mais si le jour que tu penses que la lumière n'a pas un bon point de vue, tu peux plus les écouter, est-ce que ça peut être dangereux? Oui, ben je peux être récupéré par l'astral. Est-ce qu'il peut y avoir de l'orgueil? C'est sûr. Mais un jour, est-ce que l'homme va totalement se libérer des autres puis d'arrêter d'écouter leur point de vue? Ah, tu vois, ça bloque à l'intérieur de moi. Je me Ils me réfléchis. Oui, vas-y. disent non parce que il dit, quand on est rendu au fait que l'homme peut parler avec nous autres, on aime autant son point de vue que notre point de vue. C'est bon, hein? Mais probablement que rendu à ce stade-là, ça revient au même point de vue. C'est ce qui est le plus intelligent qui va transcender toute la forme. Quand je lui dis, par exemple, la liberté de l'homme, c'est pas vous autres qui pouvez la décider, ils disent non. C'est lui qui doit nous dire laquelle elle est. Ils disent, bon, mais est-ce que ça les empêche d'avoir un point de vue? Ils disent non, ça ne nous empêche pas d'avoir un point de vue sur votre liberté, mais on sait très bien que votre liberté, si vous nous l'expliquez, on va être obligé de regarder votre point de vue. Ouais, donc autre, C'est intelligent, l'intelligence. c'est ça, parce qu'à quelque part, ils vont être obligés de s'ajuster à la lumière qui va être canalisée à travers l'homme. Ils la connaissent déjà, hein, tu sais. En gros, là, ils ont une bonne idée que Marc de la Salle allait parler comme ça, avant même que je m'incarne. Ils savaient très bien, moi, que quand ils m'ont dit aujourd'hui, ils disent, toi, tu prends les chemins les plus courts et les plus ardus pour être ce que t'es. Mais les plus courts, ça veut dire que tu, à un moment donné, ta sensibilité va se faire envelopper, mais quand elle est ajustée, ils disent, c'est pour ça qu'à quelque part, si votre sensibilité ne se retourne pas contre la lumière, on sait que non seulement vous triomphez de vous-même, mais vous triomphez aussi de toute liberté qui est inconnue parce que vous allez la définir et nous allons être obligés de vous écouter. C'est intéressant, hein? Ouais, dans un sens, l'homme nouveau va faire évoluer la lumière. Dans le sens de la liberté, dans le sens de qu'est-ce que il serait pas. Tu sais, comme moi je le dis, le monde de la mort puis tout le ça, je dis c'est intelligent, mais ça, au point de vue du point de vue de l'homme, c'est anti-homme. Ils disent oui, mais c'est à l'homme de rentrer dans sa conscience et de voir c'est quoi l'astral qui joue de lui, qui traverse ce grand désert-là pour qu'il en arrive à être un jour ultimement le seul au roi dans son royaume. Parce que, tu sais, quand le Christ, ils l'ont crissé sa croix, là, penses-tu qu'il savait qu'elle est ressuscitée 3 jours plus tard? Pas sûr, moi. Non, parce que la conscience n'était pas autant descendue qu'aujourd'hui, là. C'est ça. Fait qu'on est dans un monument complètement de fonctionnalité au niveau de la lumière qui est complètement différent. Parce que ce que je veux dire par monument, c'est que l'homme est un monument de conscience. Il est inébranlable, si, parce qu'il a tellement parlé avec la lumière, il a tellement parlé sa condition aujourd'hui que il devient de plus en plus inébranlable. Puis, tu sais, à quelque part, si tu connais ton astralité, David, tu vas voir que c'est ça qui te permet de devenir inébranlable. Oui, c'est-à-dire d'être clair par rapport à l'astralité, d'être neutre, justement, plus vibrer à l'astralité. Ouais, c'est ça. Puis de connaître sa conscience astrale, la connaître comme faut, comme faut, comme faut. Moi, je savais que j'avais des choses à vivre en lien avec la thématique, l'étude thématique que j'ai faite, parce que je t'avais envoyé, dans ce que les gens vont voir, il y a un acte 1 puis un acte 2. L'acte 1 est aussi valable que l'acte 2. C'est juste que l'acte 2 doit être vécu aussi. On ne peut pas simplement vivre l'acte 1 pour être dans neutralité absolue. Puis, quand j'ai écrit l'acte 1, je savais très bien que je vais laisser une semaine. J'ai des choses à faire. Puis je sais très bien que c'est lié en lien avec la neutralité de ma conscience astrale dans la forme. Par exemple, si tu perds 4 000 $ à la bourse, t'es pas neutre. T'es pas neutre. Ça fait que tu t'as pas dépassé ta réalité. C'est une personne qui doit faire faillite dans la vie, puis elle a déjà fait faillite une fois, puis elle doit faire faillite une deuxième fois. Elle doit savoir pourquoi qu'elle doit faire faillite une deuxième fois. Ça veut dire que la première fois n'était pas assez neutre. Donc, autrement dit, elle revit le même pattern parce qu'elle n'a pas une conscience suffisamment élevée pour le transcender. C'est ça, c'est comme le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, c'est le 2 février, hein, tu sais, Groundhog Day avec Bill Murray, là. Le gars, il vit tout le temps la même chose pour transcender ce qu'il vit. Tu sais, c'est toujours la même journée qui revient. T'as-tu déjà vu ça, ce film-là? Oui, mais ça remonte tellement longtemps que je m'en rappelle à C'est ça. peine. Mais c'est un film qui illustre très, très bien, parce qu'ils ont quasiment fait. Avec le temps, les gens se sont aperçus, hey, c'est intelligent ce film-là. C'est que l'homme doit se perfectionner, se perfectionner, se perfectionner avant qu'il ait des relations agréables dans sa vie de tous les jours. T'sais, le gars, la première fois qu'il vit, il est méchant avec sa femme, puis à la fin, il aime sa femme. Donc, il y a un changement dans son comportement. Eh bien, c'est ça que c'est, l'homme. Il doit vivre les mêmes astis d'affaires, mêmes astis d'expériences. X, et puis, tu penses-tu que c'est pas des maîtres de la forme? Qui font vivre ça? Ouais, mais eux autres, la lumière, là, quand ils ont fait des programmations, tu penses pas que c'est pas des maîtres? Ils te font Oh, pas. oui. Les pièces de théâtre, là, tu penses que tu as tout vu, là. Tant que t'es pas neutre, t'as pas tout vu, puis tu vas en voir d'autres. Dans le sens que tu vas être en initiation, tu vas être testable. Tu vas être testable, ça veut dire que tu sais, si tu as à vendre une maison, ben ils vont te la faire vendre le dernier jour, même si, puis même si tu penses que tout doit bien aller, quand tu es dans l'esprit, tu en es la conscience, c'est rare en sacrament que tu as des passe-droits. T'as-tu remarqué ça, toi? Moi, on est constamment testé. Compressé, la compression, puis toujours, toujours mis en lien avec la lumière ou l'astral. Il dit, ah, il va aller quel côté? Côté gauche, côté droit. Puis c'est toujours ça avec eux autres. Puis à un moment donné, tu es toujours dans le centre. Je l'explique comme ça parce que c'est comme ça que ça doit être vécu. L'astral va toujours être là. Mais à un moment donné, il n'a plus aucune possibilité de rayonner sur ta conscience. Pourquoi? Parce que tu haïs tellement le mensonge qu'ils ne peuvent même plus te pénétrer dans ta tête, ce petit tabarnak, pour te faire amener une pensée astrale, une pensée réfléchie. Ça n'existe même plus, si, parce qu'elle ne peut même pas pénétrer ton champ de conscience. Fait que tu crées tes propres pensées en lien avec le fait que, ah, quand c'est intelligent, tu le sais. T'as même pas besoin de penser que c'est intelligent, c'est une... puis tes commandes. C'est... Envoie-moi une vibration, là, gang de tabarnak. Là. Dans le sens que ton taux vibratoire est tellement élevé que tu peux plus absorber de l'astral. Tu n'en vis plus, ouais, c'est ça. T'es impénétrable. T'es un roc de conscience. Puis ils veulent même des fois là, te tester dans ça, puis dans le rêve, là, ils vont t'amener à vivre des formes dans le rêve. Puis c'est intéressant parce que il y a toujours, moi je dis, ça n'est pas parce que on ne vous fait pas vivre une pensée en lien avec la vie que cette pensée-là est nécessairement astrale. Parce que une pensée devient une astralité si elle vous manipule. Mais une pensée, par exemple, tu penses ce soir ton père est mort. C'est pas une pensée astrale. C'est elle a le potentiel de t'astraliser. Mais tu dis, ah ouais, c'est bon ça, mon père est mort. Oui, dans le sens que si la personne nourrit pas une émotion en recevant cette pensée-là, il est pas astralisé. C'est ça. Fait que les pensées, à un moment donné, ils ont plus aucune couleur. Pour toi, parce que c'est seulement la vibration qui compte. Par exemple, tu sais, une pensée astrale, une pensée. Parce qu'une pensée astrale, ça a toujours le but de te manipuler, alors qu'une pensée cosmique, une pensée intelligente, c'est toujours une mise en vibration. Mais quand tu sais qu'une pensée astrale veut, à quelque part, te fournir de l'énergie au niveau de la matière pour que tu vives ta vie, c'est correct. Ah, ça peut être un sujet intéressant à aborder. Peux-tu me donner un exemple concret à ce sujet-là? Ben, par exemple, tu vois une fille puis tu penses à coucher avec. OK, puis comment que ça alimente ta vie, ça? Ben, c'est rien que tu vois la sensibilité, la beauté de la femme qui pourrait simplement amener ta vie à être sur un autre plan, égayer ta vie. Mais si tu continues d'en forme, t'es fait. Mais c'est là que j'allais dire, si la personne est en couple, puis il voit une belle femme, puis il couche avec, puis là, après ça, sa conjointe apprend ça. Ouais, donc, mais si on te pose la question, t'as-tu déjà vu une jolie fille, même si t'es en couple, là? Oui. T'as-tu déjà été mis en vibration par sa beauté? Oui. T'as-tu déjà eu la pensée de dire, ah, je serais bien à côté d'elle? Là, oui. Tu peux pas dire oui parce que tu es en couple. Non, tu peux dire oui. Bon, mais c'est ça que je parle. Puis juste cette vibration-là t'amène à goûter aux éthers de la femme. Mais là, si tu vas plus loin, tu t'astralises. Ben, c'est là que j'allais dire, parce que là, à un moment donné, tu tombes dans le fantasme. Et voilà. Puis tout fantasme, c'est de l'astralité. Donc, la pensée qui, au départ, est venue à ta conscience va s'astraliser dans ta conscience parce que tu sais pas quitter. Mais, tu sais, Bernard de Montréal, il envoyait bien des jeunes femmes. Il en a vu beaucoup, des jeunes femmes. Puis, l'homme a beaucoup de difficultés à rester simplement dans la vibration d'une femme parce qu'il est mis en vibration par la beauté de ses ailes qui lui papillonnent les oreilles. Ça fait que... C'est peut-être pas les ailes, c'est peut-être plus les fesses ou les seins, là. Non. C'est pas les fesses ou les seins, ça, c'est tout sexuel, ça. Quand tu vois une femme, tu vois son aura. Puis tu vois la beauté qui se dégage de son aura, c'est ça que l'homme aime. C'est pas son corps physique. Il y a des femmes qui sont très, très belles physiquement, puis qui sont pas belles énergétiquement. OK. Oui, ça, je le comprends, mais c'est parce que tu as dit les Ils n'ont pas elfes. d'aura, ils n'ont pas d'aura. On parle des ailes, on parle des ailes, c'est rien qu'une expression pour. Ça fait Tu penser à une sais. expression angélique, là, tu sais. Ouais, mais c'est quasiment un ange, une femme. Parce que c'est pas autant incarné que l'homme le pense. Il y a une beauté absolue dans la femme qui est celle-ci. Sa capacité dans ses éthers de déplacer à tout moment de la beauté. Une femme, quand elle est libre, là, puis elle passe dans un éther, là, elle déplace toute l'astral, puis c'est sa beauté qui domine. Puis là, on ne parle pas de beauté physique, on parle de beauté psychique. C'est sûr que si la femme ne prend pas soin d'elle, son taux vibratoire diminue, mais il faut qu'elle prenne soin d'elle, il faut qu'elle se trouve belle, il faut qu'elle se sache belle. Fait que je dis, je ne veux pas faire une conférence à la femme, là, mais je fais rien que dire que la conscience astrale d'une femme est beaucoup jumelée au fait qu'elle, il faut qu'elle se sache belle, non pas au niveau de ses corps physiques et son corps astral, il faut qu'elle se sache belle en tant que femme qui veut dégager sur la terre son harmonie sans se faire brimer. C'est ça que je dis. Est-ce que c'est la beauté de la femme qui va dégager le principe de l'amour? L'harmonie. Tu sais, il y a très peu de femmes qui décorent, d'hommes qui vont décorer la maison, vont dire, oh, ma femme, là, je m'occupe de tout, je décore la maison. Non, en effet, c'est souvent plus les C'est femmes qui plus vont. la femme, parce Ouais. que, puis l'homme, quand il rencontre une femme, c'est bien souvent lui qui déménage chez la femme, parce qu'il est mieux chez elle que chez lui. Parce qu'il y a plus d'harmonisation, elle a une capacité de dégayer la beauté de sa vie instantanément. Et c'est pour ça que le principe de l'amour appartient à la femme, mais est vécu par les deux consciences, tout comme le principe de la haine. La femme peut le vivre, mais elle ne le vivra pas dans la grandeur absolue de la confrérie que l'homme doit abattre sur la terre au niveau de la domination. C'est l'homme qui doit l'abattre, cette domination-là. Puis tant qu'il n'est pas capable d'aller sur les plans de la noirceur et de voir l'orgueil qui se cache dans le mental de l'homme et dans le mental de tout être qui veut se dire lumière et qui ne l'est pas, il est assujetti à l'autorité d'une entité astrale sur sa conscience qui peut lui dire finalement qu'il est un gourou, un guide, puis qui peut lui dire, lui suggérer. Bon, mais tu sais, les nombres, c'est très important. Faut tous les chiffres, puis toute la patente, là, puis tous les symboles, là, c'est tout important. Puis c'est comme ça que l'homme va avoir une conscience vibratoire. J'ai des nouvelles pour eux autres, hein? T'as pas besoin d'aller en Inde si tu pourras avoir une vibration, puis t'as pas besoin de connaître les chiffres ou l'astrologie ou whatever. La numérologie, là, Et voilà, c'est c'est ça. ça, étudier les chiffres sacrés, puis le 21, puis le ci, puis le ça, puis les arcanes de tarot. Ouais, je vais lui demander c'est quoi les chiffres sacrés. C'est 21 fois comment vous faire manger de la merde sans que vous le sachiez. Il n'y a pas de chiffre ou de nombre qui peut établir c'est quoi une vibration. Ils peuvent cosmiques, mais ils peuvent toujours établir dans leur. Parce que vu que l'humanité a été créée depuis des années, il s'est interposé, il s'est collé à la conscience astrale de l'homme des préformes, Des formes, les chiffres, des choses, des formes. Ouais, mais quand c'est cristallisé, on nommerait ça comment une forme cristallisée? Une forme qui est rigidifiée. Ouais, c'est ça. Puis il y a des puis toute l'ésotérique est basée là-dessus. Tu comprends? Tu sais, le sceau, tous les symboles Les quatre comme. chevaliers de l'Apocalypse. C'est ça. Le Puis tout. chiffre 666, le nombre de la bête. Ouais, c'est ça. Ça s'en est, ça. Puis tu as tout aussi, toute les symboles, par exemple, sur le dollar américain, le triangle, puis tout ça, l'œil. Puis c'est toute de la bullshit. Puis c'est certain qu'il y a bien du monde qui veulent pas que je dise ça, mais c'est dit. Puis c'est vers la fin de la conférence ou de l'entretien qu'on a, peut-être qu'ils se rendront pas là, puis c'est une bonne chose. Exactement, mais c'est sûr que la manipulation ésotérique doit être dénoncée. Tout! Ben, ça revient au Vas-y. principe que j'ai dit au début. C'est quoi j'ai dit au début? C'est que le mensonge cosmique, il doit être dévoilé dans sa totalité avant que l'homme puisse savoir c'est quoi de la lumière. Parce que si le mensonge cosmique est un peu au-dessus de ta tête, tu ne sais pas encore c'est quoi de la lumière. Quand je te dis c'est froid et c'est blanc de la lumière, es-tu capable de voir ça? Oui. Quand je te dis que la conscience, ça peut être bleu. Ah. Puis quand je te dis que de la colère, c'est rouge. Puis quand je te dis que de l'amour, c'est incolore. Puis quand je dis que de la volonté, c'est aussi un feu. Quand je dis que l'intelligence, c'est turquoise. Pourquoi que ça a des couleurs dans l'aura? Puis ultimement, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la blancheur de la froideur de votre être quand vous parlez dans votre parole pour que ce qui est dit, ce qui soit entendu, ne gravite autour d'aucune spiritualité parce que toutes les couleurs, ça demeure encore des formes de spiritualité. Donc, autrement dit, le but, c'est une parole qui est totalement là, dépourvue de couleur. C'est ça. Ça va être la vibration qui compte. Mais c'est sûr que quand on s'arrête à ça, la couleur blanche, en réalité, c'est la rencontre de l'ensemble des couleurs primaires. Tu sais, le rouge, le bleu, le jaune. Et c'est pour ça que le verbe est froid, c'est pour ça que la lumière est froide, et c'est pour ça que c'est blanc. Tout comme la haine. Parce que c'est dans la haine absolue contre le mensonge cosmique que l'homme rencontre la lumière. Le seul état qui est en équilibre, c'est la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont destruction-construction. Si tu prends le Transférien, c'est destruction, il n'y a jamais construction. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et voilà, c'est fini. Bon, ben, je te remercie pour l'enregistrement. OK, ben au revoir. Bye. Bye.